Yes, I. Comédie, comédie, yeah, comédie, yeah, yeah. Les politicos, les babylones sont dans la comédie. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire pour toi, ouais, mon frère, ma sœur? Tous au combat. On veut plus de justice, ça c'est sûr, yeah, yeah. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure, yeah. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur, ouais, ouais. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure, yeah. On en arrive au temps où plus rien n'est interdit, à part fumer un slip et défier tous ces bandits, yeah. Je sais pas où ça nous mène, mais comme pas très loin d'ici, où des peuples sont armés pour créer des tragédies. Quand le journal de 20h est même celui du midi, y'a que le décor qui change et le présentateur aussi. Quand des manifs se forment, elles tombent vite, oui, dans l'oubli. Big up pour cette contenue en Égypte et Algérie. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. C'est facile de parler quand t'es posé dans un sofa, mais combien vraiment oser se mettre, oui, au combat. Je te parle de t'informer sur ce qui se passe autour de toi et savoir renoncer aux règles qui ne te vont pas. À force d'accepter, regarde où on en est déjà. C'est sûr qu'il y aura toujours des situations pires que ça. Dans une nation soi-disant forte et soumise à l'État, il y a 10 ans, il y avait des libertés que les jeunes connaissent même pas. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. La liberté d'expression pour toutes les nations. De l'espoir et de l'amour pour nos frères en prison. Ils détournent les lois pour leur protection. Et la nature qu'ils délaissent pour la pollution. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. On veut plus de justice, ça c'est sûr. Plus de goût de vibration, plus d'air pur. Regarde comment ils détruisent la nature. Amasser de l'argent, ça les rassure. Yeah man, big up à tous les frères et les sœurs qui recherchent vérité, justice et sagesse dans ce monde. À tous ceux qui protègent la mère nature et passent le bon message. Kawan Production, big up. Dan Valdez pour tous les youthlands. Les générations à venir sont notre futur. Diablesse.